France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 132. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 12 octobre 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es le comeback de Dominique de Villepin ou l'ascenseur pour l'échafaud. Tu es le prix Nobel de la paix ou Mon nom est personne. Tu es Parachute doré ou Les marchands du temple. Tu es le procès de l'Angola Gate ou le bal des faux culs. Et tu es aussi que faire devant l'anarchie financière. Eh bien, on va faire une grande réunion avec les banques, les assurances, les ministres de l'économie, les grandes entreprises cotées en bourse, ma femme, Kofi Noga, le patron de la FNAC, Christian Clavier, le patron du FMI, le serveur du Fouquet's, Mike Tyson et le meilleur vendeur de General Motors. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser ici un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Oui, communions ensemble au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Jola Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre sacerdoce consiste à t'offrir autant que possible un diaporama sonore, modeste mais déjanté, contre le triomphe de la morosité. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Pour commencer, de la cave de Jean-Louis Debré à la cuisine des cadors du G4, nous t'offrirons comme d'habitude une petite relecture frappadingue et concise des actualités politiques de la semaine. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons comment les fantômes de l'INA ont célébré jeudi dernier l'anniversaire de la création de l'École nationale d'administration. Grosse ambiance, bien sûr. Et puis, toujours en pleine guerre de récession, nous te dévoilerons comment, à l'occasion de l'incontournable vide-grenier de Grosboul-les-Bains, Monique et Jean-Claude ont décidé ce week-end de tout bazarder sur le trottoir, histoire de faire les fonds de tiroir. Et juste après, nous poursuivrons avec notre petit reportage Fric et Frime, où notre facétieux reporter avait rendez-vous au Salon de la Bagnole pour une petite odyssée kubrickienne, le tout pour 13 000 euros. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique, en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et, face à la crise, pousse un cri. Rien ne t'affole et j'aime encore mieux. un autre. Mais j'ai plus d'yaourt. Je vais aller voir la voisine. Elle fait une heure. Yaourt, c'est radical. Il y avait plein de meufs. Mais vers une heure du mat. OCB, c'est vraiment toi. C'était Billy the Kick en duo avec Téléphone, réuni pour nous par l'orfèvre DJ Zebra. Mais c'est aussi l'intime conviction cette semaine du procureur de l'affaire Clearstream qui aurait déclaré à Dominique de Villepin « Oh, c'est bon, c'est vraiment toi alors ». Accusé, levez-vous, c'est déjà fait. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Dominique de Villepin, citoyen français. Bon, avant tout, tu connais le mode d'emploi. Vautre-toi confortablement et engageons les modestes péripéties de ce 132e épisode du Mangin Palace par notre traditionnelle session freudienne. Oui, avec le fieffé sacripant de nos coursives, monsieur Divan Beaujelet, nous avons encore poursuivi cette semaine notre chasse à l'inconscient fourbasse qui se planque dans le discours politico-médiatique. Comme chacun sait désormais, il y a le dit et le non-dit. Ainsi, découvrons notamment aujourd'hui la mystérieuse cave de Jean-Louis Debray au Palais Royal et les expédients alambiqués du locataire de l'hôtel Matignon. Allez, en route maestro, voici pour toi l'infratexte des discours de ces derniers jours, ainsi soit-il. Notre invité ce soir est Laurent Fabius, ancien Premier ministre et aujourd'hui député socialiste de Seine-Maritime. Vous avez l'instinct de conservation. Si vous espérez vous en tirer, contentez-vous de faire ce que je dis au lieu de discutailler. Le sommet qui a eu lieu, qui est un sommet partiel, n'apporte aucune réponse à la crise française, qui est liée essentiellement à la mauvaise gestion de M. Sarkozy. Savez-vous compter ? Qu'est-ce que je ferais, moi, dans cette situation, en ce qui concerne la France ? Je suspendrais la majeure partie du paquet fiscal. Il faut en dire plus. Non. Alors d'autres mots vous ont frappé ce week-end, Thomas? Nicolas Sarkozy a dit... Eh, me regarde pas comme ça, j'ai invité personne. Qu'il voulait un capitalisme entrepreneurial plutôt qu'un capitalisme financier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est sans doute qu'il faut moraliser et encadrer le capitalisme tout court, cette phrase ne veut strictement rien dire. Qu'est-ce que tu me dis, hein, bordel? C'est une phrase purement politique, une formule creuse, mais très efficace puisqu'elle bipolarise le capitalisme entrepreneurial... Donc un bon capitalisme, et on l'imagine, l'autre capitalisme, celui qui nous a mis dans la panade, spécule, s'enrichit sur du virtuel, c'est malsain et dangereux. Sauf que les deux capitalismes dans la réalité sont les mêmes. T'en as plus rien à cirer ? L'invité de France Inter est ce matin le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Encombrant Jean-Marc Rouillant, hein ? Bah écoutez, encombrant, je pense que c'est un mot un petit peu déplacé, tandis que pour l'instant il est en prison. Sa semi-liberté. On est revenu dessus il y a quelques jours suite à comment son entretien dans l'Express. Donc le problème est réglé si on le juge encombrant. Quelqu'un qui a purgé sa peine doit pouvoir avoir le droit à une réinsertion sociale, y compris un engagement militant et citoyen. Il faut que vous veniez lutter à nos côtés, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi j'appartiens à un courant politique, la LCR, qui a toujours dénoncé et décrié les méthodes d'action directe. Donc je ne comprends même pas qu'on puisse chercher... Oui, mais en même temps vous êtes révolutionnaire, Olivier Besancenot. L'homme au couteau entre les dents. Bah, la révolution pour moi c'est pas le terrorisme, ça l'a jamais été. Nous ne devons pas devenir des esclaves. Bonjour Jean-Louis Debray. C'est formidable. L'une des premières réformes que vous avez menées en arrivant au Conseil constitutionnel, eh bien, c'est la constitution non pas d'une république, mais d'une cave à vin. Est-ce vrai, Jean-Louis Debray ? Non. D'abord, le vin ne fait pas de mal. Il faut boire mieux, mais boire moins. Donc je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut boire du Coca-Cola. D'abord, j'aime pas le Coca-Cola. Oh, monsieur est dans une forme terrible. Je crois qu'il y a du vin et du vin correct. Donc oui, vous avez bien constitué une cave. Je n'ai pas constitué une cave. Nous buvons mieux, mais moins. Est-ce que vous êtes prêt à commencer une psychothérapie avec moi ? Le Parlement a consacré cet après-midi un débat spécial à la crise financière. L'occasion pour François Fillon de prendre une nouvelle fois la parole à Anne Lordanier. Le Premier ministre a voulu rassurer les Français, hein, mais il n'a pas annoncé grand-chose de nouveau. Le président de la République et moi-même, nous avons demandé à Christine Lagarde de mettre en place une structure juridique intégralement détenue par l'État pour réaliser les investissements qui seraient rendus nécessaires par la situation. Et moi, je vous annonce que vous allez vous mettre au turbin, comme on vous dit, sans ça, vous allez ramasser des tartes dans la gueule, pas vrai ? Oui, éventuellement, mais je veux pas rentrer dans les discussions. Rentrer en discussion, c'est un peu l'urgence européenne du moment. C'est pourquoi le week-end dernier, M. Sarkozy a invité Silvio Berlusconi, Gordon Brown et Angela Merkel afin d'établir une feuille de route solidaire dans l'espoir, bien sûr, que les gouvernements européens agissent de concert face à l'hémorragie bancaire. Seulement voilà, comme chacun sait, depuis quelques mois, le couple franco-allemand bat de l'aile. La chancelière berlinoise digère mal notamment l'anglophilie de M. Sarkozy. Résultat, Nicolas était un peu tendu lorsque Mme Merkel s'est présentée sur le perron de l'Elysée samedi dernier. Sie haben meine Ehrendame entehrt. Sie will willkommen haben, was? Und die Unschuld eines jungen deutschen Mädchens missbraucht. Ah, sie, ja, danke schön. Petite enfant, schön. Oh, ich bin heureux, meine Tante. Meine Tantine. Sie sind abgesetzt, verbannt und ausgewiesen. Ihr gesamtes Vermögen beschlagnahmt zugunsten der Krone. Oui, bon, M. Sarkozy ne maîtrise pas vraiment la langue de Goethe. Quant à Mme Merkel, elle ne décolérait pas contre cette idée française de créer un fonds de garantie européen pour sauver les banques, mais avec l'argent du contribuable. Enfin bon, dans la foulée, dans les salons élyséens, les discussions multilatérales entre les quatre grands d'Europe ont débuté. Seulement voilà, très vite, l'entente cordiale européenne s'est enrayée, non sans agacer M. Sarkozy. Moi j'en ai plein de cul super ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trois rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul toi non plus! Attends, sans déconner, la façon dont tu viens de parler là, on aurait dit un mélange entre Moïse et Bernard Tapie. Lâche l'affaire, t'es complètement gay là dans cette histoire, sans déconner. Sans déconner, les négociations s'engageaient très mal. Excédés par la mauvaise volonté de Silvio et Gordon, M. Sarkozy se tourna tout de même vers Angela Merkel, histoire de connaître ses positions. Et non sans ironie, la chancelière allemande, furax après Nicolas depuis quelques mois donc, lui rappela sa ligne de conduite face à la crise en trois points. Espiègle Angela. Bien sûr, au final, il n'allait rien sortir de ce sommet européen qui devait accoucher d'un plan d'urgence à la rescousse de la faillite capitaliste. Grosso modo, on restait sur les mêmes positions, à savoir chacun pour sa gueule. Face à l'échec de cette réunion qu'il avait lui-même impulsée dans l'espoir de sauver le monde de la mouise, M. Sarkozy était à bout de nerfs. Je suis zinzin ! Je suis zinzin ! Je suis zinzin ! Je suis zinzin ! Que se passe-t-il ? Il est zinzin ! Devant les interrogations de Carla, Claude Guéant ne pouvait en effet que constater l'ampleur des dégâts après l'échec du G4. Mais alors que faire, bon sang, pour remettre en selle l'omniprésident ? Thank you. Eh bien, selon M. Guéant, une seule solution. Adopter une position plus séduisante face à Mme Merkel afin de reconstruire l'unité franco-allemande. C'est pourquoi, dimanche soir, M. Guéant a contraint Nicolas à réfléchir sur les raisons de sa fâcherie avec Angela. M. Sarkozy a en effet trouvé un élément de réponse. Elle me reproche de trop déconner, je crois. Tu vois, tu as compris. Tu en penses quoi, toi ? Je sais rien, tu me connais, je déconne, voilà, point barre, j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça aussi que je l'ai séduite. Bon, à part ce physique envié de tous. Hein. Enfin, c'est moi, quoi, si je les connais pas, ce serait pas moi. Tu penses qu'elle ne t'aimerait plus ? Écoute, en tout cas, là, je déconne et elle m'aime plus trop, pour l'instant. Pour l'instant, certes. Mais pour M. Guéant, il y a urgence. Car si on veut éviter que les Français s'aperçoivent de l'impuissance de l'Élysée face à la crise, eh ben, il faut impérativement se réconcilier avec l'Allemagne, au moins pour donner l'impression qu'on agit. C'est ainsi que sur les conseils de Claude Guéant, avant-hier soir, vendredi donc, à la veille de leur rencontre à Colombelles et Deux-Églises hier midi, M. Sarkozy a tenté d'obtenir un rendez-vous avec Angela Merkel. Comme ainsi retrouver Mich, moi, demain soir, auberge de la Capessa Negra. Un rendez-vous? Ah, c'est une grosse folie. Bêtise de folie. Je peux compter sur vous. Compter? Bien, compter. Un side, compter. Bien, je viendrai. Bon, décidément, M. Sarkozy ne progresse guère en allemand. Mais bon, qu'importe, puisqu'hier soir, Angela et Nicolas avaient un rendez-vous secret pour tenter de trouver une solution commune face à la crise et à la mouise. Seulement voilà, fragilisée par une semaine difficile, puisqu'en effet, Mme Merkel a subi elle aussi quelques avanies, la chancelière ne semblait donc pas au mieux hier soir devant Nicolas. Oh bah ça n'a pas l'air d'aller fort, toi. Je suis nulle. Pourquoi tu dis ça? C'est reparti. Parce que j'intéresse personne, je suis tout le temps en train de pleurer, j'arrive même pas à imposer mes idées. Quelles idées? Mais non, t'es très bien comme t'es. Tu dis ça pour me faire plaisir. C'est que je suis trop sensible. Mais t'es ridicule. Mais arrête de dire que je suis ridicule, hein. Mais j'ai pas dit que t'étais ridicule, ton idée est ridicule. Excuse-moi, je prends tout de travers. Ouais. Faut que tu m'aides à m'endurcir, il faut que tu m'aides. Ouais, j'allais te proposer la même chose, moi. Toi, j'ai une idée. Eh ben, tu vois, tout arrive. Ah! Madame Merkel avait donc une idée à proposer à Nicolas pour l'Eurogroupe. Une solution, visiblement, pour faire rentrer de l'oseille dans les caisses de l'Union européenne et ainsi créer ce fichu fonds de garantie pour sauver les banques, mais pas avec la thune du contribuable. Nicolas, bien entendu, voulait en savoir plus. J'ai un copain dans la partie qui me conseille d'acheter du Hewlett-Packard, mais je me suis fait déjà avoir par des tuyaux crevés. Hewlett, voyons. À la clôture, c'était 42¼. C'est plutôt joli. Mmh. Plutôt séduisant. Mmh. C'est un truc qui grimpe assez bien. Ça vaut la balade. Mmh. Il cote constamment à la hausse. C'est de l'acier. C'est excitante, cette cote. Elle partira très fort. À votre place, je sauterai dessus. Oh là ! Bon, Nicolas fut surpris hier soir d'une proposition aussi cavalière de la chancelière et il préféra filer à l'anglaise plutôt que de réconcilier le couple franco-allemand. Décidément, l'harmonie dans l'Union européenne reste une chimère et face à la crise, les voix demeurent discordantes. Encore que, pas tout à fait. Hier, pendant la réunion de l'Eurogroupe, l'ensemble de nos dirigeants étaient au moins tous d'accord sur un point. Oui, nous sommes dans la merde, car jusqu'à présent, personne ne parvient à claquer le beignet de la crise. Même si c'est amusant de constater combien soudainement les libéraux chialent leur mère patrie et trouvent refuge dans les nationalisations. C'est curieux, non? Mais va savoir, une économie sous contrôle public, c'est peut-être le truc qui fait mouche. Je connais. Bouche. 4 grammes à la louche. Tant d'amour me touche. Je connais une mouche auvergnate de souche. Elle pense qu'à la bouffe, mais j'aime bien les filles qui louchent. Ce sont les bestioles qu'affectionne Thomas Fersen sur son dernier album intitulé Trois petits tours. Mais avec les mouches, c'est sûr que Thomas, il va devoir faire sienne la démarche sartrienne et refuser le prix Nobel. Contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, les deux font la paire. Alors, après ce panorama décalé des actualités économiques et politiques en marge du G4, ouvrons dès à présent à 11h28 notre séquence consacrée aux informations du lointain. Et avant tout, sais-tu que jeudi dernier, le 9 octobre donc, les voix de la noblesse d'État ont vibré dans les sous-sols de l'INA à l'occasion du 63e anniversaire de l'École nationale d'administration. Et oui, figure-toi qu'une surpatte hyperbatte a été organisée dans les travées de l'INA, au milieu de ces boîtes métalliques conservant les productions radiophoniques de notre grande maison. Alors, écoutons religieusement ce que nous rapporte notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut national de l'audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Jeudi soir, à l'INA, on a fêté le 63e anniversaire de l'ENA, l'École nationale d'administration. Une grande réception a été organisée avec toutes sortes d'animations et des invités prestigieux. C'est le général de Gaulle qui a ouvert le bal. Après avoir eu à décréter, il y a déjà pas mal d'années, la mise au monde de l'École nationale d'administration, je me félicite de tout mon cœur de l'avoir prospéré. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. La décision va surprendre. Néanmoins, je ne la critique pas. Valéry Giscard d'Estaing a proposé un jeu. Revivez le grand oral de l'ENA. Première question à Yvette Chassagne. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait les ANA ? Parce qu'on sortait de la guerre, que j'avais vu, c'était qu'un pays qui s'effondrait parce que ses structures administratives n'étaient plus tout à fait ce qu'on pouvait espérer. Je suis entrée à l'ENA comme on entre dans les urnes. Jacques Toubon avait un tout autre point de vue sur la question. Moi, j'avais très envie de rentrer dans la fonction publique et je cherchais surtout quelque chose dans lequel on puisse faire des études assez longues, mais en même temps en ayant des bourses ou en étant payé. Et j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait l'École nationale d'administration, je ne connaissais pas très bien ce que ça pouvait être, mais où quand on avait passé le concours, on était élève fonctionnaire, on était déjà payé. Pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même enfermer la mort dans un flacon. Et Georges Elgosi a surenchéri. Les mots m'amusent évidemment, alors je définis énanisme aussi. Alors énanisme, c'est, attendez, si je me souviens bien, c'est une méthode d'excitation cérébrale enseignée à l'ENA qui permet à ses adeptes d'obtenir la jouissance des plus hautes fonctions sans passer par les filières normales. L'ambiance était particulièrement détendue lorsqu'une bande de troubles fêtes a fait irruption, avec à sa tête Lionel Jospin. Je pense que ça n'a pas été pour moi ces deux années, des années très importantes. La vie que j'ai vécue dans ma famille, la façon dont je me suis formé au monde réel, à la vie tout court, a été beaucoup plus importante que ces deux années un peu grises dans cette très bonne école. L'orthographe et l'écriture sont souvent médiocres, une absence de personnalité chez beaucoup de candidats. Telles sont les principales remarques des membres du jury du concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Le chahut était général. Alors le professeur Rollin s'est mis à imiter les profs. Parmi les milliers d'ouvrages concernant la perdrix et le perdreau, tous ne sont pas sérieux, certains sont même carrément fantaisistes. On peut donc citer 5 ouvrages, c'est suffisant pour une première approche. À commencer par l'excellent livre de Gérard Thibaudin, « Je chasse la perdrix ». Et puis, un peu en réaction à l'ouvrage de Thibaudin, il y a le livre d'Antoine Lesourd intitulé « Je chasse les perdrix ». En effet, Lesourd démontre par l'exemple qu'il n'y a pas sur la Terre une seule perdrix et qu'il est donc absurde de dire, comme le dit Thibaudin, « Je chasse la perdrix », car une fois que la perdrix unique est chassée, il n'y a plus rien à chasser. En réaction cette fois au bouquin de Lesourd, Thibaudin a écrit un second livre, un peu polémique c'est vrai, mais d'une lecture agréable, un livre intitulé « Je chasse la perdrix morte ». Une thèse audacieuse, mais finalement assez convaincante. Quatrième ouvrage à consulter, la réponse de Lesourd au « Je chasse la perdrix morte » de Thibaudin, qui s'intitule « Thibaudin est un charlot ». Et puis pour finir, un ouvrage essentiel, c'est celui de Thibaudin, qui a pour titre « Des cons comme Antoine Lesourd, ça donne envie de pleurer ». Il n'est pratiquement question que d'Antoine Lesourd dans ce livre, mais il y a tout de même en annexe une recette assez adroite de perdrix au vermouth. Et au final, tout le monde était content. Je vais vous faire une confidence. Si c'était à refaire, je recommencerai tout de suite. Comme Strasbourgeois, je m'en réjouis. Merci Flora Bernard pour ce récit spatio-temporel où se croisent de belles gens venus tout droit de la grande mérito-bureaucratie élitiste à la française. Que du beau monde à l'ENA, cette charmante pépinière chargée de la reproduction de nos élites. Et oui, parce que le wouz-wouz des énarques, c'est un peu l'almanach officiel de notre République. Enfin bon, changeons d'échelle et passons dès à présent à nos incroyables actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, il est temps de retrouver nos deux petits épargnants favoris, à qui rien n'est épargné, à savoir Jean-Claude, la bourse, et Monique, la vie. En effet, cette semaine, Jean-Claude, toujours en pleine guerre de récession, a dégoté un moyen imparable pour lutter contre la baisse de son pouvoir d'achat. En attendant l'écroulement général du système, il faut faire rentrer de la maille à tout prix. Ainsi, vendredi dernier, Jean-Claude explique à Monique qu'il faut profiter du vide-grenier organisé ce week-end à Grosboul-les-Bains pour vendre tout ce fourbi-là accumulé depuis des années dans la cave et au grenier. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer. fait les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Eh oui, nous serons heureux avec toute la thune des bidules revendues. C'est le plan du Jean-Claude qui est déjà en train de remplir le coffre de la bagnole de tout un bric-à-brac qu'il déballe à l'aurore sur ses 3 mètres linéaires loués pour le vide-grenier de Grosboule-les-Bains. Il est très tôt, Monique est frigorifiée et elle a mal au dos à force de porter des cartons. Mais Jean-Claude lui explique pourquoi elle peut être fière de participer à ce vide-grenier. Nous voici dans le dernier bastion du capitalisme pur et dur qui subsiste dans le monde. Ici, tout se vend et tout s'achète. Or, argent, platine, mazout, propane, cacao et sucre. Et naturellement, jus d'orange surgelé. Les gens que tu vois ici à ces téléphones reçoivent les ordres des maisons de courtage du monde entier. Ces ordres passent alors au parquet où se trouvent les vendeurs-acheteurs. Ici, les transactions portent sur le coton, là, sur l'argent. Allons les baiser, comme tu dis. Allons-y. Oui, allons-y. Monique et Jean-Claude déballent donc leurs bidules et quelques curieux s'approchent déjà du stand et posent des questions. C'est neuf? C'est combien? Ça sert à quoi? Ah, bah Monique, elle fait l'article et répond à ses petites questions. J'ai une petite question. Oui. Il se glisse aussi sous le maillot de bain? Tout à fait. On peut le porter sous un maillot de bain. Oh, génial! Et il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que ça ne se voit pas du tout. Et on oublie facilement qu'on le porte. C'est difficile de décrire l'effet que ça fait. On oublie carrément qu'on l'a. C'est pour ça que c'est génial. Et c'est génial. Sauf que, avec la crise, les clients regardent à deux fois avant de dépenser leurs sous. Surtout que Jean-Claude reste malgré tout un peu escroc. Personne n'a vraiment envie d'acheter son assortiment de clous et de boulons rouillés, sa paire incomplète de patins roulettes sans roues et encore moins ce lot de vieilles brosses à dents usagées. Et puis Jean-Claude, dans la négociation, il refuse de baisser ses prix, merde. Alors, c'est sûr, les clients éventuels ont tendance à aller jeter un œil sur le stand voisin, une toute autre ambiance. Salut monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Je voudrais une paire de chaussures en croco, c'est pas possible. Oui, les chaussures, voilà. Regardez, voilà. Voilà. Vous voulez le cirage avec? Non. Non, je voudrais la petite pendule plaquée or, là, puis aussi le cadre de Marrakech avec les lumières qui s'allument à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech? Oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison? C'est possible aussi? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande, en plus des cacahuètes, oui, le costume bleu là qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible? Oui, bien sûr, voilà. Regardez, vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi? Oui. Jean-Claude se rend compte que son stand ressemble en effet beaucoup à une décharge et qu'il va falloir mettre le paquet pour réussir à écouler toutes ses anticailles. Mais il est chaud, Jean-Claude. La pochette, le portefeuille cadeau, le porte-monnaie choix. Le porte-clé, le peigne avec son étui, le porte-chéquier, tiens, on n'en parle pas. La montre homme, la montre dame, les deux piles, tiens, pour emmerder les radins, la deuxième sacoche, vous l'offre. Pour tout le plateau, messieurs, dames, je suis là qu'une fois par an, payez-moi le billet rond, 100 francs, 10 000 de nos anciens francs, messieurs, dames, toute la collection pour redémarrer l'après-midi. Toute la collection? Mais personne n'en veut de ces vieux trucs. Jean-Claude et Monique n'ont alors comme solution que de baisser d'heure en heure le prix de leur camelote. Ainsi, ce magnifique bougeoir orné d'un dauphin bleu valait 20 euros le matin, 10 euros à midi et 5 euros seulement à l'heure du goûter. C'est trop con, c'est le krach boursier. Sauf que Jean-Claude n'est pas prêt à tout vendre. Mais Tom, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vends mon blouson, c'est mon blouson ça. Mais attends, ça fait 10 ans que tu le mets plus. Mais je veux pas savoir, c'est mon blouson quand j'étais jeune. J'y tiens à ce truc-là, attends. Hey. Mais t'as vu dans quel état il est? Mais je m'en fous. Attends, j'ai payé ça 2000 balles. Tu te rends pas compte comment tu vends ça, toi? 28 euros, tu le vends? Ouais, 200 balles. Non, mais n'importe quoi. Bah, attends, excusez-moi, c'est combien le vieux blouson, là? 28 euros. Non, il est pas. C'est trop cher, je vous en offre 15. Non, ok, c'est parti. Non, ok. Non, 22, j'en offre 22. Alors moi, j'en offre 25. Ok, 38. 40. 49. 50. 57. 60. 80 euros. Ok, c'est trop cher, je vous laisse. Ok, voilà, très bien. 80 euros, s'il te plaît. Je vous le mets dans un sac? Non, c'est bon, j'habite à côté, là. Ok. Je crois pas. J'ai ton blouson. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Et de son côté, justement, Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude, qui, venu faire un tour au vide-grenier, a lui aussi créé un petit stand assez lucratif. Le bonneto, c'est très simple. La rouge gagne, les noirs perdent, d'accord? Je la retourne, vous devez trouver la rouge, d'accord? Elle est où, la rouge? Mélange. Elle est où, la rouge? Elle est où? Là. Non, elle est là. Allez là. On va voir qui c'est qui a gagné. T'as perdu tout ton argent? Je te prends ton argent. Elle est là, on va voir si t'as gagné. Elle est là la rouge alors. Non, faut pas toucher, faut pas toucher. Je sais. Elle est où la rouge? Peut-être qu'elle est partie acheter des gâteaux. Attends, monsieur, s'il vous plaît. Le monde des affaires est vraiment une jungle, se dit Rémi, qui remballe ses cartes à jouer. De son côté, Jean-Claude est maintenant seul à son stand. La nuit ne va pas tarder à tomber et tous les autres marchands remballent ce qu'ils n'ont pas réussi à écouler. Aujourd'hui, Jean-Claude n'a rien réussi à vendre, si ce n'est les tréteaux qui soutenaient son étalage. Désespéré, Jean-Claude tente le tout pour le tout afin d'amadouer le chaland. Ah madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, je suis yougoslave, s'il vous plaît. Yo, je te tiens allé pas mal, Yadna. Ouais, oh, Yadna, oui. À quoi c'était? Srbin ou Hrvat? Comme ça, je... Tu es serbe ou tu es croate? Je suis portugais, de Lisboa. Je suis portugais, ça, s'il vous plaît, madame. On va se casser parce que ça sent le rouchiche. Jean-Claude abandonne donc Fissa, le vide-grenier, deux gros boules les bains en laissant sur place toutes les cochonneries qu'il n'a pas réussi à vendre. Bah, au moins, cette aventure lui aura donné l'occasion de vider la cave et le grenier. C'est alors que Jean-Claude aperçoit sa Monique qu'il avait perdu de vue depuis de bonnes heures. Mais c'est quoi cet énorme paquet qu'elle a dans les bras, lui demande Jean-Claude. Eh ben, Monique explique qu'elle vient de craquer. Chez un brocanteur, j'ai trouvé pour trois fois rien. Kilo d'un kilo de vieux disques américains. Comme j'hésitais, le marchand s'est approché. Sur un vieux phono, il a posé le premier. Il m'a dit, je les garantis. Ils sont des pop, du bon temps, du swing. Voilà, Monique s'est donc offert un lot de vieux 33 tours. Et le soir, de retour à la maison, quand Jean-Claude fait les comptes, il constate que cette journée au vide-grenier fut un véritable gouffre financier. Entre le prix du mètre linéaire, le rachat de son blouson et les achats de Monique, il est en gros déficit. Alors le plus simple, pour terminer cette histoire, c'est d'écouter un des vieux 33 tours que Monique vient d'acheter. Jolie coquine, c'est le nouveau titre de Caravan Palace. Mais sais-tu qu'en un an, la vente des camping-cars a chuté de 5%, dis donc. Mais bon, vu que tu n'auras bientôt plus un rond pour partir en vacances, c'est pas grave. D'autant que le dimanche, si t'as pas de caravane, il te reste toujours le Mangin Palace. S'il y avait des circonstances difficiles, ou s'il y avait des problèmes graves qui se posent à notre pays, vous pourrez toujours compter sur moi. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h44, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panic consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Et cette semaine, notre facétieux reporter s'est trimballé dans les allées du salon de la bagnole Porte de Versailles à Paris afin de te faire découvrir une odyssée digne de Kubrick à la portée bien sûr de toutes les bourses, 13 000 boules. Après la virgule, découvrons ensemble comment nous pourrions ainsi recycler le site Renault de Sandouville pour relancer l'industrie automobile. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Cette semaine, pour trouver l'objet du luxe absolu, il fallait te rendre au mondial de l'automobile. Et là, tu me vois venir et tu te dis... Nenni, l'objet de l'élégance ultime, tu pouvais le dégoter sur le très select stand Bentley. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une voiture. Est-ce que déjà aujourd'hui, je peux, pour 13 000 euros, avoir une Bentley? Malheureusement, ça n'est pas possible. En revanche, avec un montant d'environ 13 000 euros, vous pouvez avoir accès aux valeurs de la marque Bentley au travers d'un certain nombre de produits, et notamment celui qui nous concerne aujourd'hui. Le nouvel ordinateur Ego for Bentley. Vous avez un ordinateur chez vous ou vous prévoyez d'en acheter un pour vous ou votre famille? C'est super, tant mieux pour vous. Cuir, or, exemplaire limité, tout est là pour rendre cet ordinateur exceptionnel. En même temps, pour 13 000 euros, tu en veux pour ton pognon. Et tu as bien raison, l'ami. Nos clients, en règle générale, aiment l'exclusivité. Ce qu'ils apprécient, c'est se démarquer, avoir un objet qu'on ne retrouve pas chez le voisin. C'est pour cela en général qu'ils achètent une Bentley. De la même manière, lorsqu'ils recherchent toutes sortes d'objets, ils recherchent cette même exclusivité. Et c'est le cas effectivement avec les ordinateurs Ego for Bentley, qui sont pour l'instant limités à 250 exemplaires dans chacune des séries qui sont proposées. Oui, mais je sais ce que tu vas dire. À ce prix-là, tu peux avoir 7 ordinateurs avec une pomme dessus. Donc, pour 13 000 euros, tu veux au minimum qu'elle parle, ta bécane. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. L'ordinateur rappelle un certain nombre de détails que l'on trouve sur les voitures. Donc les cuirs, les coutures, mais également la poignée, puisque l'ordinateur... Ego for Bentley n'est pas censé avoir une housse qui le masquerait, ce serait dommage, mais il a une poignée intégrée, un peu comme un sac à main finalement, et que cette poignée ressemble tout à fait aux poignées que l'on retrouve sur les portières des Bentley. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ton ordi avec la même poignée que ta voiture de luxe, ça c'est la classe. Et surtout, tu ne risques pas de voir tout le monde avec le même portable que toi. L'ordinateur et Internet pour tous, c'est une belle idée. Le gouvernement a lancé ce matin, pour le premier trimestre 2007, une offre à destination des foyers les plus modestes. Vanessa Descoureaux. Un ordinateur, une connexion Internet pour 1 euro par jour, formule tout compris, même avec une formation à domicile. Ils pourront emprunter sur 3 ans, l'État donnant sa garantie. Aujourd'hui, un foyer sur deux est connecté. L'objectif est d'atteindre les 2/3 dans les 3 prochaines années. En même temps, à 1 euro par jour, l'ordi Bentley, il te faudra quelques 35 années pour te le payer. Et dans 35 ans, si ça se trouve, avoir un ordi, ça sera ringard. Merci Julien Dugast. Alors bien entendu, avec un ordinateur à 13 000 euros, t'imagines une qualité de service après-vente irréprochable. À la moindre embrouille, tu penses qu'il te l'échange immédiatement, ton bidule, forcément. Oui, sauf que les pièces sont sans doute tellement rares et précieuses que les délais de livraison après réparation sont terriblement longs, bien sûr. Et voilà, tu vois, tu commençais à jalouser les riches, là. On te sentait presque aigri avec ton ordi tout pourri. Mais si, comme nous, tu n'es pas fichu de t'offrir cette bestiole au prix d'une année entière de salaire au SMIC, eh bien rassure-toi, car au moins le petit matériel que nous achetons, nous autres, bénéficie d'une garantie exceptionnelle. Bonjour, monsieur, j'ai eu un énorme problème avec la bouilloire. Est-ce que vous avez la garantie, s'il vous plaît? Ah oui, mais non seulement j'ai la garantie, mais j'ai la photocopie de la facture et le relevé de la carte bleue correspondant. Excusez-moi, il y a la petite agrafe dessus, tout est là. La garantie est valable 2 ans. Ah, elle expire dans 10 jours. Bah, ce qui veut dire qu'elle est encore valable, non? Je vais voir, monsieur. Une date de garantie, c'est quand même une date de garantie. Si vous me dites qu'elle est valable encore 10 jours, j'estime avoir le droit d'être remboursé, non? Il n'y a pas de problème, monsieur, vous allez être remboursé. Ah, c'est pas du tout une question d'argent, c'est une question de principe. Bien sûr. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui font des procès pour beaucoup moins que ça. Mais tout va bien, je vous dis, on va la changer, votre bouilloire. Le fric, c'est chic. Oui, mais bon, avec la crise, le fric, c'est surtout la panique. Non, mais vous allez nous casser les oreilles combien de temps avec la crise, là? Monsieur Chirac? Non, parce que... Elle a commencé quand, votre crise? Il y a 10 jours, à peu près. Ah ouais? Ben, nous, les petites gens, ça fait 2 ans qu'on est dans la mouise, hein? Donc, la crise depuis 10 jours, ça me fait doucement rigoler. Alors maintenant, à 11h52, afin de compléter au mieux notre tour d'horizon de l'actualité... La panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à l'actu de la semaine, Monsieur Mauduit, ici présent, se charge pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, quoi de neuf cette semaine, camarade? Eh bien, écoutez Philippe, un étrange phénomène ovin a envahi la presse cette semaine, partout. Au vin. Eh oui, alors tout d'abord, je suis tombé sur l'interview de Bernard Accoyer dans le journal Les Échos, en date de vendredi, avant-hier donc. Mm-hmm. Eh bien, dans cette interview, notre fringant président de l'Assemblée nationale fait figure de mouton noir. Eh oui, il a été évoqué une amnistie fiscale pour les gros contribuables, rien que ça. Et il veut faire passer les loups de la finance pour de pauvres brebis égarées. Bon, c'est sûr que face au tollé de sa proposition, Bernard Accoyer a dû reculer en disant que c'était juste une idée personnelle comme ça pour voir... Ben voyons. Mais Bernard Accoyer, dans la même interview, il alimente les peurs. Il dit que la crise financière que nous vivons est sans précédent depuis celle de 1929. D'ailleurs, vous avez remarqué, Philippe, c'est un peu la rengaine du moment, nous faire comprendre qu'on va... tous trinqués et que l'on doit tous faire des efforts pour sauver le système. Une idée qu'on veut nous faire entrer dans la tête à grands coups de marteau ou mieux à grands coups de mouton. Alors, cette crise-là, ça fout vraiment les chocottes. Et moi, pour mieux comprendre ce qui se passe, vous me connaissez, je me suis précipité sur un journal digne de confiance, Le Figaro, bien entendu. Ah oui. Mais Le Figaro... du 31 octobre 1929, soit une semaine jour pour jour après le jeudi noir. Et oui, comment réagissait à l'époque ce canard face à la crise new-yorkaise? Eh bien, à la une du Figaro du 31 octobre 1929, on trouve un article portant sur la crise qui se conclut par ces mots. On dirait que notre pays, seul au monde, désarmé, sans aucun moyen d'influence, ni moral, ni financier, en est réduit à se faire tolérer par les autres et à céder sans cesse pour éviter les ennuis. Oula, ça fout la trouille, on dirait du Fillon. Bon, d'accord, Philippe. Cette crise dont parle le Figaro du 31 octobre 1929, c'est-à-dire juste après le krach de Wall Wall Street, c'était la crise ministérielle du gouvernement brillant. Parce qu'à la une du Figaro, ce jour-là, le gros titre était « Une vive reprise de la bourse de New York ». Ah bah ouais, hein, pour assurer le petit épargnant, pour sauver les plus gros. Ah et oui. Surtout, Philippe, éviter que les moutons de Panurge retirent d'un coup tous leurs sous. Alors bien sûr, Bernard Accoyer, dans son interview dans Les Échos, lui, il est plus direct. Il nous dit que la crise va mijoter plus longtemps qu'un accoyer d'agneau aux haricots. Et d'ailleurs, il a une super idée, Bernard. Super truc, un nouvel emprunt d'État pour colmater les dégâts faits par les spéculateurs. Le grand retour de l'emprunt Giscard. Génial. Ah, génial, un truc qui va encore profiter à ceux qui ont assez de thunes pour s'acheter les bons du trésor. Bon, d'accord, calmons-nous, ne moutons pas sur nos grands chevaux, puisque le journal Les Échos, pas très connu pourtant pour être contestataire, s'inquiète et demande à Bernard Accoyer s'il n'a pas peur d'être accusé de favoriser les plus riches. Et non, Bernard Accoyer n'a pas peur de sauver ses grands patrons et ses banquiers inconscients, puisque ces gens-là, ils ne se cachent pas, ce sont des amis, on les connaît, on a même leur nom. Et d'ailleurs, en ce moment, le nom des voleurs, on le trouve facilement. Ainsi, mercredi, à Tours, la police nous apprenait qu'elle avait arrêté un jeune homme pour avoir fracturé une voiture afin d'y piquer un blouson. Sauf que ce gars-là, un peu distrait, il a laissé dans la voiture ses papiers d'identité, sa carte bancaire, eh oui. Ça, c'est con. C'est ballot, parce que quand on est voleur, il vaut mieux jouer à saute-mouton, comme nous le raconte le San Diego Union Tribune cette semaine. À la Mesa, une petite ville de Californie, une banque a été attaquée deux fois dans la même journée. La première fois, nous dit l'article, c'était The Chetty Bandit. Autrement dit, le bandit bavard, suivi 3 heures plus tard par The Hard Hat Bandit, le braqueur au casque. Bon, la police ne les a pas encore arrêtés, ces deux moutons-là, ils sont rentrés tranquilles au bercail, comme un patron avec son parachute doré. Mais revenons à nos moutons. Cette semaine a eu lieu, en Norvège, la 13e édition du championnat du monde de tonte de moutons. Ah. C'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné. Bravo! Bravo à tous ces candidats, mais je pense qu'ils étaient très inspiré par le plan Paulson et par ses corollaires européens, parce que, comme on pouvait le lire en 1908, il y a juste un siècle, dans les réflexions sur la violence de Georges Sorel, tondre le contribuable sans qu'il se révolte, voilà tout l'art du grand homme d'État et du grand financier. Mais attention au coup de bélier. Merci, monsieur Maudby, pour cette revue de presse consacrée aux moutons. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 132e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Je remercie dans l'ordre Monsieur Mauduit donc pour sa coécriture de cette émission. Merci à toi, Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y a bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel, assisté aujourd'hui de Sophie Moreno et de Patrick Henry. Merci beaucoup à vous deux. Je remercie aussi pour les clips sonores Flora Bernard, Julien Dugast, Yvan Beaujolais. Pour les disques, merci beaucoup à Thierry Dupin. Merci aussi à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci à Sarah Masson, notre stagiaire. Merci enfin au documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, La Panique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Olivia Gesbert et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve le week-end prochain. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.